Vous écoutez Futur Simple, Valérie Levé au microphone, et nous vous proposons une réflexion sur la post-vérité engendrée par l'irruption des fausses nouvelles. En effet, si les nouvelles sont fausses, la vérité n'est plus là. La revue Argument, éditée par les éditions Libère, vient de sortir son numéro Printemps-été 2018 et y consacre un dossier intitulé « La science à l'heure de la post-vérité ». Plusieurs auteurs ont contribué à ce dossier, comme le philosophe Normand Baillargeon ou l'historien des sciences Yves Gingras, que les auditeurs ont d'ailleurs pu entendre à l'émission de la semaine dernière, et aussi notre chroniqueur Yvan Dutille. Le texte qu'Yvan a écrit dans ce dossier s'intitule « L'image de la science nourrit-elle la post-vérité ?» Et Yvan est là pour nous expliciter sa pensée. Bonjour Yvan. Oui, bonjour. D'abord, félicitations pour la contribution à ce dossier qui est quand même un sujet... assez complexe, et il va falloir que tu nous fasses quelques explications, en commençant, s'il te plaît, par nous définir ce que ça veut dire la post-vérité. En fait, la post-vérité, je dirais que c'est l'espèce de vision du monde. En fait, c'est un peu comme le post-modernisme, où tout le monde a sa petite vérité à soi, qui n'est pas universelle. On pourrait voir ça de cette façon-là. Dans la vision postmoderniste, c'est ça. Tout est le savoir et de construction sociale. Donc, par conséquent, il est une création de l'humain et non pas quelque chose qui est indépendant de la pensée humaine. Donc, il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Donc, chacun peut se faire sa vérité un peu comme il l'entend? Oui, regarde, il y a des départements d'université au complet dont leur business case est de déconstruire les constructions sociales et dire, ah oui, mais bon... L'exemple des genres est tout à fait dans ce type de vision du monde. Et puis donc, ça, c'est un élément. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, ça vient de la philosophie postmoderne des années 60. Mais en fait, en arrière de ça, il y a d'autres éléments, que je considère, je l'ai dit souvent, et je suis très critique de bien des domaines scientifiques, entre guillemets, ou que c'est des arguments de nature commerciale, où on présente des idées d'une façon qui ne choque pas trop l'ego des gens, ou les donne l'impression qu'il est le flatte dans le sens du poil. Donc, vous ne pouvez pas, on n'a pas tort, on ne peut pas avoir tort, il n'y a pas de fait absolu. Et bon, on voit un peu. Et il y a toutes sortes de choses qui alimentent ça. Je voulais écrire un texte là-dessus si la vulgarisation scientifique était nuisible. À cet aspect-là, je crois que oui. Je commence mon article comme ça. Une des raisons, c'est la façon très simpliste qu'on présente la science dans les médias, ou même quand on l'enseigne, la méthode scientifique. Où on dit, on fait une hypothèse, on fait des observations, on prend des mesures, on analyse des données, on tire une conclusion, puis là, on a vrai ou faux, et là, on retourne au début. Et moi, j'ai fait un schéma, un moment donné, vous pouvez le retrouver sur le site de Québec Science, l'agence Science Presse, en fait, pas Québec Science, l'agence Science Presse, où il y a plusieurs blocs, un étant la partie théorique, qui beaucoup de gens, en fait, voient la science essentiellement par la théorie. On pense à Einstein, on pense aux mathématiciens, et ça, c'est le gros bloc, puis tout le monde... Cette vision basée plus sur la déduction, la construction intellectuelle, ça, c'est un petit morceau de la science. Les autres éléments, moi, je les ai séparés en deux, entre la phénoménologie et l'observation, qui est de transformer ce corpus théorique-là en phénomène observable. Par exemple, la théorie, j'ai une théorie de l'atome, j'ai la théorie électromagnétique. J'ai un phénomène que quand je combine ces deux théories physiques-là ensemble, c'est que le ciel est bleu à cause de la diffusion. Parce que je sais que la lumière est une onde et que les atomes sont des particules. Je peux faire le calcul, la diffusion sur une particule, et là, j'obtiens que le ciel est bleu. Parce que le coefficient de diffusion varie à la puissance 4 de la longueur d'onde. Donc, ça, c'est mon phénomène. Et je dirais la majorité des physiciens qui sont... Les gens considèrent qu'on est des gros théoriciens. Tout le monde pense qu'on travaille comme Einstein, mais à 90 %, on est dans la phénoménologie. Ceux qui font ce qu'on appelle des théoriciens, souvent, ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des phénomènes. Ils font de la phénoménologie, ils prennent ces fondements physiques-là, fabriquent des modèles, toutes sortes de trucs, la climatologie, les modèles des étoiles, les modèles des galaxies. Il n'y a personne qui fait de la physique fondamentale là-dedans, c'est la phénoménologie. Ensuite, il y a l'interprète, il y a l'autre groupe. Mais même dans cette façon-là, est-ce qu'on ne prend pas, est-ce qu'on ne pose pas une hypothèse au départ, ou on observe un phénomène qui vient conforter ou pas l'hypothèse et on continue d'avancer? Le cycle. C'est un peu différent. C'est ça, c'est l'élément qui est un peu. C'est que les outils intellectuels de chacun de ces blocs-là sont assez différents les uns des autres. La personne qui conçoit, qui fait la phénoménologie, ne va pas se poser des questions sur la nature de la gravité nécessairement. Mm-hmm. Donc, elle va prendre. Et c'est des Mkins, c'est du Kem, je crois. Je me mêle dans mes philosophes, mais lui, on a toujours des hypothèses ancillaires qu'on considère comme vraies quand on avance. Donc, des trucs de physique fondamentale, on les considère comme vrais, le rayonnement de Cournot, par exemple. Et là, on progresse à partir de là. Il y a une consistance interne dans ce bloc-là qu'on appelle la phénoménologie. Il y en a une autre dans le bloc qui s'appelle observation. Instrumentation, qui est un autre gros bloc. Il y a énormément de physiciens qui ne vont pas faire de modèles théoriques. Ils vont fabriquer des instruments ou ils mm-hmm. vont faire. Moi, c'est ma famille de, mm-hmm. d'astrophysiciens. Nous, on était des observateurs. Donc, on observait, on allait au télescope, on planifiait, OK, je veux tel phénomène, devait donner tel type d'observable. On allait au télescope, faire telle observation pour le mesurer. Donc, on était dans le bloc observation. Et il y a un autre gros bloc qui est l'analyse de données. Mm-hmm. Qui est une science en soi. Maintenant, on parle de big data. Ben, avant le big data, il y avait de l'analyse de données qui est le traitement statistique et des choses comme ça. Puis là, il y a des versions, je te dirais, méta-analyse mm-hmm. de données où on fait l'intercomparaison entre différentes observations. Et là, après tout ça, on revient, là, on retourne au début dans les hypothèses pour voir. Et là, à chacun de ces blocs-là, on peut boucler. Ouais. Et par exemple, il y a des gens qui veulent critiquer. Oui, mais pourquoi vous ne vérifiez pas la théorie de la gravité en premier? Ben, avant de vérifier la théorie de la gravité, on va vérifier si mes mesures au télescope sont correctes, si j'ai bien fait mon analyse de données, parce que c'est facile de se planter. Et là, on revient en arrière comme ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe, ça avance beaucoup moins vite et c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vision d'ensemble. Mm-hmm. Et ça, c'est très, très mal compris par bien du monde. On a fait des milliers de débats sur Internet avec des gens. Ils parlent, on leur explique, non, vous n'avez pas compris tel truc de base, c'est tout à fait élémentaire, mais... Est-ce qu'on ne peut pas quand même, je comprends que c'est peut-être une façon simpliste, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même, pour représenter un peu la démarche scientifique, partir de cette fameuse boucle, hypothèse, expérimentation, observation, puis peut-être validation des données et confirmation de l'hypothèse, et on continue plus loin? Individuellement, moi, le problème que j'ai observé à la longue, c'est parce que les gens font une hypothèse, ils font une observation, ça confirme leur hypothèse et ils arrivent à la conclusion qu'ils ont raison. Oh, mais ils ne sont pas tout seuls, il y a quand même des laboratoires voisins. Mais je veux dire, dans le domaine scientifique, c'est encore pas si mal parce qu'on demande jusqu'à un certain point de la reproducibilité, mm-hmm. Jusqu'à un certain point parce qu'il y a des domaines où c'est moins évident qu'il y en a, là. Mais pour un individu, ce que je fais, moi, c'est de la science. C'est mm-hmm. Je fais la même chose que mm-hmm. les scientifiques, j'ai fait mes hypothèses, j'ai fait mes observations, je suis arrivé à telle conclusion. Et c'est cet élément-là qui est un peu difficile à faire comprendre. Oui, mais c'est pas juste la cohérence interne de ta réflexion, c'est la cohérence interne avec tous les éléments du schéma jusqu'à un certain point. Mmh. On sait qu'on n'a pas de théorie absolue, mais quand même, il y a quelque chose, il y a un élément de plus de réflexion qui est mal compris et perçu par les gens. Là. Oui, bon, et alors, est-ce que c'est parce qu'il est mal conçu que ça nourrit la post-vérité? En fait, je pense que oui, entre autres. Et c'est nourri. De la façon où on dit aux gens que vous êtes, on enseigne aux gens qui sont capables de faire de différencier le vrai du faux avec des techniques comme on a en philosophie, de la réflexion logique, tout ça. Et le problème, c'est que ce n'est pas ça qui permet en science, en tout cas tout le moins, ce n'est pas la réflexion logique qui fait qu'on est capable de discerner le vrai ou faux. C'est l'expérimentation et l'observation. Mm-hmm. Donc, c'était un élément qui est dépend pas vraiment de l'individu, qui est un mécanisme complètement différent. Si c'était vrai que ça ne faisait que part de réflexion comme ça, on n'aurait que des théoriciens physiques et ils seraient assis dans leur bureau en train de réfléchir et ils comprendraient l'univers. Mais en pratique, il y a un livre qui a été fait par Martin Harwit en 84 qui est de Discovery Space. En fait, c'est un livre qui porte sur le concept qu'il amène dans ce livre-là, c'est que la science, en tout cas l'astrophysique en particulier, avance par le progrès de la technologie et non mm-hmm. pas par le progrès théorique. Parce qu'on est capable d'aller plus loin dans nos observations, on est capable de faire des mesures plus précises. C'est comme ça qu'on découvre des nouveaux objets d'études et qu'on teste les hypothèses. Et si on admet ça, et j'ai un fort biais pour cette approche-là, si on admet ça, ça veut dire que le savoir, il provient d'objets, et non pas de notre esprit, et que... Du moins, de notre façon d'utiliser les objets. Oui, oui, c'est ça, mais à peu de choses près. Donc, mais là, c'est le problème, du point de vue pratique, pour les sociétés occidentales, entre autres, où on apprend que tout le monde est libre de penser par lui-même, tout le monde est capable de penser par lui-même, qu'on devrait, par l'éducation, amener les gens à être capables de discerner le vrai ou faux, bien, si on admet qu'en science, le vrai ou faux n'est pas discerné par la réflexion, mais par l'observation ou l'expérimentation, bien, l'expérimentation, elle n'est pas accessible. Un exemple tout bête. Mm-hmm. Je pense que si je fais un sondage, peut-être parmi nos auditeurs, les gens vont admettre que le gaz carbonique est un gaz à effet de serre. Mm-hmm. Bon. C'est basé sur quoi? Ben, moi, je l'ai déjà vu, le spectre infrarouge de l'atmosphère, pendant 2 ans. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument d'autorité. Mais pour toute autre personne, c'est un argument d'autorité. Qu'est-ce qui est un argument d'autorité? Le gaz carbonique est un gaz à effet de serre, est un argument d'autorité. Ouais. Et tout un champ culturel qu'on a fabriqué, où on dit aux gens, vous ne devez pas vous fier aux arguments d'autorité. Mm-hmm. Mais est-ce que les atomes existent? Probablement que oui. J'en ai jamais vu. Mais... Ben, oui, mais c'est encore un truc qui... Si moi, je pars ma théorie, puis je dis non, on vous raconte telle histoire, ce n'est pas vrai. Le gaz carbonique n'est pas un gaz à effet de serre. Ça se peut pas parce qu'il y a 300 parties par million. Mm-hmm. Regardez, ça n'a aucun sens. Il y a quelques parties par million de plus et ça fait du sens. C'est un modèle théorique tout à fait cohérent, a priori. Quelqu'un n'a pas le... Si tu n'as pas les capacités de vérifier que les prémices sont vraies ou fausses, toute ta capacité, toute ta logique ne sert absolument à rien. Mais on ne peut pas avoir la capacité de vérifier toutes ces choses-là dans tous les domaines. On est obligé de se fier à d'autres. On ne peut pas avoir toutes les connaissances en physique, en biologie, en génétique, en géologie. Exactement, mais là, ça fait un problème pour bien du monde. Parce qu'on a enseigné le contraire. Pendant des 2-3 générations, aux gens, on dit, il y a tout notre système de justice... Tout notre système démocratique est basé sur l'idée, au moins, qu'on est capable, comme citoyen, de faire la différence entre le vrai et le faux. Mm-hmm. Alors, on a inculqué ça aux gens. Alors, on a créé un environnement favorable à la post-vérité parce qu'on a dit aux gens, vous êtes capable de faire le vrai ou le faux. Alors, si je construis un argumentaire qui n'est pas avec des prémices qui sont fausses, je peux manipuler facilement les gens, surtout si j'utilise des techniques de psychologie comme l'effet halo. Je rajoute des éléments ancillaires qui n'ont pas rapport, comme changement climatique. Ah, mais c'est des scientifiques, c'est une élite. C'est une élite. Mm-hmm. Ah, l'élite signe effet halo, méchant, c'est pour l'argent. Mm. C'est des grandes entreprises. Puis ça, la grande entreprise, là, c'est vrai pour les OGM, c'est vrai pour des champs électromagnétiques. Si un méchant dans l'histoire, Puis là, on ne va pas dire aux gens, vous ne pouvez pas vraiment faire la différence entre le vrai ou le faux, c'est insultant. On dit plutôt le contraire aux gens. Vous êtes capable, vous le voyez bien, vous le voyez bien, écoutez, il y a le gouvernement vous manipule, tu sais, des taxes. Puis je peux dire, je peux faire ça pour le troisième lien à Québec, je peux faire ça pour n'importe quel sujet. Je dis, puis c'est la réponse, puis on la connaît, ce discours-là. Oh, c'est élitiste, vous méprisez le peuple. Et tout ça parce qu'on a créé ça. Et ça, c'est on utilise un truc en psychologie sociale qui est une découverte assez intéressante qui date seulement de 1999. Je soupçonne que les politiciens la connaissent depuis fort longtemps, qui est l'effet de Deming-Kruger, qui est deux psychologues américains. Comme individu, on n'est pas capable d'admettre qu'on n'est pas compétent. Mm-hmm. De façon générale, on a toujours l'impression... Moins on est compétent, plus on a l'impression d'être compétent. Et plus on est compétent, moins on a l'impression d'être compétent. Et ça, vous avez l'inverse pour chez les scientifiques, qui est le syndrome de l'imposteur, où on a toujours l'impression d'être incompétent. Parce que moi, j'ai étudié en physique, après un doctorat, t'as pas mal l'impression d'être incompétent, ce qui est tout à fait le contraire des gens qui viennent juste de finir leur bac. Et pourquoi? Parce que tu dis, ah merde, je sais pas maîtriser tel outil, lui, il est tellement bon dans telle affaire. Là, on est en train de s'éparpiller, mais c'est important parce que les gens ne voient pas la distance qu'ils ont entre leur compréhension des phénomènes et la complexité réelle des phénomènes, qui est souvent un facteur 100 au-dessus de leur compréhension personnelle. Oui, mais si j'en reviens un petit peu plus tôt à ce que tu disais finalement, les scientifiques eux-mêmes ne sont pas toujours amenés à distinguer le vrai du faux, selon la boucle de la méthode scientifique. Mais Donc, ça veut dire que le public lui-même est conscient que les scientifiques ne sont pas capables de distinguer le vrai du faux, donc perdent leur confiance en la science, d'où la post-vérité? C'est un autre élément qui joue. J'essaie de suivre le raisonnement parce que ça fait plein de détours. Le raisonnement est assez simple. C'est parce qu'on présente la science à cause de la vulgarisation, à cause de choses, à cause du discours public qu'on tient, pour des raisons de déficience en communication, on simplifie ça à outrance. Mm-hmm. Donc, les gens ont l'impression de comprendre. Avec des éléments très légers. Alors, si on leur présente un truc qui construit exactement de la même façon, avec des arguments simplistes, très courts, puis on rajoute quelques éléments psychologiques, pour eux, il n'y a aucune différence entre un discours pseudo-scientifique ou post-vérité, n'importe quoi. Il n'y a pas moyen pour le citoyen de le discerner. Et on lui dit depuis toujours qu'il est capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Et c'est ça. Moi, je me suis choqué à un moment donné. Il faut qu'on arrête de dire aux gens... Puis là, c'est élitiste, c'est très arrogant, mais il faut qu'on arrête de dire aux gens, vous pouvez, à première vue, comme ça, discerner le vrai ou le faux. C'est vrai dans certains cas, pas des choses qui correspondent à votre vie personnelle et des expériences personnelles ou communes à tout le monde, mais quand on sort de ce régime-là, cette capacité-là de discerner le vrai ou le faux n'existe pas ou elle est très, très faible. Les propagandistes le savent et ils l'utilisent. Mm-hmm. Ils l'utilisent et c'est comme ça qu'on nourrit cette post-vérité-là et on parle dans les domaines. Mais les propagandistes, c'est pas forcément l'image de la science. C'est pas la science qui propulse la propagande. C'est ces propagandes. Non, mais il y a quand même des éléments qui amènent ça. Est-ce que c'est donc cette image de la science qui fait qu'on va pencher vers le discours des propagandistes? Ça nourrit un petit peu. Je veux dire, les propagandistes l'utilisent, mais il y a des éléments qui aident beaucoup. Par exemple, la faible reproducibilité dans les domaines biomédicaux. Mm-hmm. Moi, je suis là-dedans, là, c'est mon métier. Il y a énormément d'articles qui sont publiés pour publier. En physique, en génie, c'est 99% des articles qui sont reproductibles à peu près, ou 95%. Dans le domaine biomédical, ça peut descendre jusqu'à 20% dans certains domaines. Alors là, vous avez du n'importe quoi. Je veux demain matin argumenter que le jus de carotte provoque le cancer. Je peux probablement trouver une dizaine d'articles scientifiques qui soutiennent mon point. Et je peux construire comme ça un menu, mangez pas du maïs parce que c'est hautement cancérigène. Je peux construire à partir d'articles qui sont vraiment faits de façon très honnête par des scientifiques, mais avec des seuils de détection très faibles. Et toute cette information qu'on a là est disponible et permet de nourrir. C'est sûr que l'idée n'est pas de censurer la science. Parce que ça serait exactement contre-productif. Ça serait contre-productif, mais il faut être conscient, puis à un moment donné, que entre l'état de la connaissance et le débat marginal, il y a quand même certains phénomènes. Mm. Et tout ça est une espèce de mécanique psychologique qui est fortement utilisée. Parce que si tu peux réduire un peu le prestige des gens, on parlait encore de l'effet halo où on attache une image, qu'un truc de politicien... classique, une coloration à quelque chose. Pour les OGM, on s'est rendu, c'est Monsanto. Tout ce qui est Monsanto est méchant. Même si ça n'a aucun rapport. Là, c'est tout ça qui est lié. En plus, moi, c'est très facile, même pour un scientifique, de se raconter des histoires. Moi, dans l'article de la revue Argument, je raconte une histoire qui m'est arrivée pendant mon doctorat. À un moment donné, je fais des calculs, puis le soir, il arrive un truc bizarre. Normalement, il faut savoir, la poussière dans l'espace, normalement, elle rougit les objets. Alors, je fais mes petits calculs, puis les objets, ils rougissent pas, ils bluissent. Ils sont plus bleus qu'ils devraient être, ce qui est tout à fait anormal. Alors là, tu t'inventes une histoire. OK, oui, la galaxie de côté, je vois peut-être la réflexion sur la poussière. Donc là, j'aurais l'effet de bluissement, ce qui est plausible physiquement. Je trouvais un article scientifique ou deux qui couvrait ça. Qui pourrait corroborer. Alors, j'avais vu un phénomène. Ça fait quand même plusieurs années que les gens utilisaient la même technique que moi, puis j'ai pas vu ça dans aucun article. Alors, je fouille. Je commence à expliquer ça. Puis le lendemain, j'ai un doute. Je vais relire mon programme d'ordinateur, puis j'avais inversé un signe. Mm-hmm. Donc, la correction a été faite à l'envers. Donc, la physique était bonne, mais le signe était inversé. Et là, en mettant le signe dans le sens du monde, c'est revenu correct. Bon. C'est revenu bleu. Bon, ça, mais, et leçon de modestie. Mais il est très facile de trouver une explication alternative à une observation. Donc, c'est l'autre piège. On se dit, je suis quand même bon, j'ai trouvé une solution à mon problème. Et tout ça aussi est une autre un autre truc avec lequel on joue dans la post-vérité, c'est qu'on propose quelque chose qui a l'air à peu près plausible, qui a l'air à peu près consistant, et on présente ça aux gens, même s'il y a des trous gros comme la lune là-dedans. Si t'es pas capable d'évaluer, la consistance est amplement... Mais là, dans un cas comme ça, c'est les scientifiques eux-mêmes qui participent à cette post-vérité. Oui. C'est pas l'image que le public en a, c'est les scientifiques oui. eux-mêmes qui participent. Mais là, c'est là l'aspect important de la notion de revue par les pairs, mm-hmm. qui est important en science, où il y a d'autres gens qui sont très critiques. Moi, j'étais arbitre, puis je suis encore arbitre de revue. On est un peu sans pitié les uns envers les autres, là. Où on est extrêmement critique avec les travaux des autres. Puis c'est comme ça qu'on vient à bout de sortir le vrai mm-hmm. du faux. Mais encore là, on est dans un autre régime. Là, on a les pairs. Puis les pairs, c'est qui? C'est des gens qui ont un certain niveau de compétence, mm-hmm. qui connaissent le sujet, qui sont pas... C'est une élite. Mmh. Alors qu'on a une élite, on retombe encore avec notre élite de gens capables. Puis là, quelqu'un dit, ah oui, mais ce que monsieur un tel dit n'a pas de sens. Ah, mais là, vous rejetez du revers de la main. Ben non, écoutez, c'est évident. Là, c'est une élite, on peut pas rejeter. Non, mais c'est ça. Alors, il y a toute cette idée-là. Vous avez, là, si vous êtes comme les prêtres autrefois, qu'il fallait écouter, c'est comme les prêtres quand ils s'apprêtaient la Bible, mais que la Bible était écrite en grec ancien. Alors, c'est un petit peu normal qu'ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Mmh. Et c'est un peu ça. Et on est tous dans ce régime. Là, qui est vraiment nous répugne comme démocrate. Et là, on va jouer à la psychologie des gens. On répugne à se faire dire qu'on n'est pas capable d'eux. Mm. On répugne à se faire dire qu'on n'est pas. On a l'impression qu'on n'est plus intelligent qu'on est et on est pris dans ce piège-là. Et c'est même, il y a des histoires. C'est comme je l'ai mentionné, c'est très facile pour un scientifique lui-même de se faire prendre là-dedans et c'est la revue par les pairs qui va. Et les gens peuvent rester longtemps. Alors, quand il n'y a pas des données très probantes, on peut rester errer longtemps dans sa théorie personnelle, là, dans certains domaines où il y a peu où les données sont difficiles à obtenir, ça peut durer très longtemps. Et là, dans notre société, on est très vulnérable. Prenons les changements climatiques. Quand une théorie scientifique n'a pas d'impact social, on s'en fout un petit peu. Mm-hmm. Là, je veux dire, honnêtement, là, que l'univers soit en expansion ou pas. Qu'il ait 10 ou 20 milliards d'années. Quand j'étais étudiant, c'était ça le débat en astrophysique, c'est savoir si l'univers avait 10 ou 20 milliards d'années. J'ai pas vu beaucoup de protestations sur la rue ou la colline parlementaire pour discuter de ça. C'était pas, ça n'excite pas le public. Quand on parle des changements climatiques, par exemple, ou des OGM, ben là, on a une situation qui peut ou pourrait affecter les gens dans leur mérite. Et là, ça tombe dans la sphère publique. Et là, on retombe avec les outils usuels de la politique. Et c'est là que c'est difficile. Parce que un truc aussi bête, comme on mentionnait, que le gaz carbonique est un gaz à effet de serre, qui est d'une évidence, c'est même pas une théorie, là. C'est un effet observationnel depuis plus de 100 ans. Dans la tête du citoyen n'a pas de valeur probante. Mm-hmm. Et là, on a un régime de scientifiques qui parlent d'une certaine façon. Les mêmes choses pour les OGM. Il y a des centaines d'études qui montrent qu'il n'y a vraiment pas les risques, entre moins pour la santé. On pourrait débattre des autres problèmes des OGM, mais bon, il n'y a pas vraiment de risque. Mais encore là, on est dans un régime d'observation qui est différent de la population qui n'ont pas accès. Il y a toutes sortes de... Puis là, on va toujours vous ramener un événement qui s'est passé dans le passé pour discréditer, puis c'est toujours la même mécanique. Donc, on a cette faiblesse structurelle dans la façon dont notre esprit, notre cerveau est constitué. Et il y a des gens qui rentrent là-dedans, ils savent, il y a plein de gens qui ont étudié en psychologie, en communication, en marketing, qui maîtrisent ces concepts-là assez bien, ils utilisent ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Mm-hmm. Et je vois pas, moi, comment on peut s'en sortir autrement qu'en disant aux gens, puis c'est vraiment pas un discours populaire, vous êtes pas vraiment capable de discerner le vrai du faux, méfiez-vous de vous-même, vous êtes facilement manipulable. Et même, en fait, ce qu'on fait en théorie avec les jeunes scientifiques, c'est qu'on t'es supposé apprendre à un moment donné que t'es le premier à pouvoir te tromper, là. Et il faudrait faire ça avec tout le monde. Et ce qui est vraiment l'envers du bon sens, l'envers de ce qu'on, du discours qu'on tient. S'autoflageller, c'est pas très. Non, moi, je donnais l'exemple je mentionnais dans mon texte, justement, que c'est très, très dur de se faire dire qu'on n'est pas bon, qu'on fait des erreurs. Et de se le dire soi-même. Le premier rapport d'arbitre plein d'erreurs qu'on fait. Mon directeur de thèse, moi, je pense que j'ai acheté un stylo rouge avant qu'il revise ma thèse. J'en avais fait une pile d'à peu près 50 cm de haut de toutes les versions différentes de ma thèse, suite à toutes les revisions. Bon, comme je disais, tout étudiant gradué sait que c'est pas facile pour l'ego. Il y a un petit peu difficile. Donc, on se trouve une espèce... Et ça, c'est vraiment... C'est un piège dans lequel on est prisonnier parce que... C'est ça, c'est pas juste les corrections en rouge qui sont difficiles pour l'ego, c'est d'être modeste, d'accepter qu'on s'est trompé. C'est d'accepter de voir le vrai et le faux. Et que le vrai, finalement, n'est pas forcément ce qu'on croyait. Oui. C'est ça, pire que ça, c'est que on communique beaucoup avec les médias sociaux. On choisit ce qui nous est présenté comme information et ce qui nous plaît. Alors, sur Twitter, si quelqu'un te trouve trop détestable, il va te bloquer. Tu as des amis qui pensent comme toi. Il y a des groupes fermés. Il y a même on en parlait récemment, les Social Justice Warriors, où ils étaient vraiment refermés sur eux-mêmes avec des gens semblables entre eux. Ben, tout ce piège-là des médias sociaux amplifie beaucoup. Ça existait. Moi, j'ai connu les débuts d'Internet que je me souviens, on avait Usenet dans le temps. En 90 à peu près. Au tout début de l'Internet moderne, là, j'ai connu ça. Puis là, au début, c'est ça. Puis il y avait des groupes de discussion. Puis ça, on avait quand même. Et c'est ce phénomène-là de groupe, de fermeture, en fait que ça amplifie tout le phénomène de des pseudo-sciences et des de tout, parce qu'on peut se fermer une bulle de confort. Moi, ma solution personnelle pour pas m'enfermer dans une bulle de confort, j'ai quelques gens que je déteste qui sont dans mes amis Facebook et à qui je partage à peu près pas de système de valeurs, mais pour une raison, pour quelqu'un, on se bloque pas mutuellement, ce qui m'évite d'être prisonnier d'une bulle. J'ai des gens, en fait, que je trouve tout à fait exécrables, mais qui ont pas du tout la même philosophie politique que moi, mais ils sont juste là pour une chose, pour pas que je m'enferme dans une bulle. Alors, ça, c'est une solution que je vous suggère d'appliquer, trouvez-vous. Là aussi, ça prend une certaine modestie quand même. Oui, mais en fait, il y a des gens qui sont... On peut s'obstiner avec eux, mais ils peuvent rester polis. Donc, ça, c'est déjà un critère essentiel. Quand tu commences à m'insulter spontanément, là, c'est un petit peu différent, mais... Donc ça, c'est une solution. Mais en tout cas, il y a d'autres aspects que tu abordes dans ton article et on n'aura pas le temps d'en parler. Donc par exemple, le rôle des médias aussi, peut-être à rapporter certaines études sans regarder la taille des échantillons, la reproductibilité, etc. Le mythe du génie solitaire aussi dont tu parles dans ton article. Donc il y a d'autres, des études qui sont pas toujours bien ficelées aussi. Donc d'autres arguments que tu apportes dans ton texte. Donc j'invite les auditeurs à se procurer si la question les intéresse. C'est le numéro de la revue Arguments printemps-été 2018. Et comme je vous le disais en introduction, il y a aussi d'autres textes sur le sujet. Merci Yvan. Merci beaucoup.